Dimanche, le 1er mai, c'est la Grande Marche pour la forêt. Ici Jean-Pierre Boivin, président d'Alliance Forêt Boréale. Je vous invite à vous joindre aux élus municipaux et aux travailleurs de la forêt pour affirmer votre appui à l'exploitation durable de notre ressource forestière, créatrice de richesses chez nous. Soyez au rendez-vous à 11h à l'Hôtel de Ville de Saint-Félicien. La foresterie, c'est aussi une solution au changement climatique. Match numéro 3 ce soir au Centre Georges Vézina entre les Saguenay de Chicoutimi et les Sea Dogs de Saint-John. On va parler avec le descripteur et collaborateur des matchs des Saguenay sur Énergie 94.5, Sébastien Morin. Salut Sébastien. Salut Danny. Sébastien, ce soir, évidemment, je suis vraiment content que les Sags ont été chercher un match à Saint-John. Et là, j'ai l'impression que... je parlais avec Simon Bourque hier des Sea Dogs, mais lui il disait que sont pas vrais, ils ressentent pas plus de pression, mais par contre, la pression est du côté des Sea Dogs. Donc, les Saguenayens, c'est des underdogs dans tout ça, là. Ah, définitivement. De très loin, à part de ça, si tu regardes juste la façon dont c'est passé pendant la saison régulière, puis les Sags, c'est la dernière équipe au classement de la Ligue canadienne à être encore en ligne, présentement, dans les carrés d'as, là, ici, dans l'Ontario, puis dans l'Ouest. Les Sags ont bâti une équipe au fait, étaient très loin au classement général. On a eu quelques petites difficultés, je dirais, du côté de la cohésion dans les premiers mois. Par la suite, on s'est replacé plus la saison avançait. Puis c'était un club qui était supposément prêt pour les séries éliminatoires. Puis définitivement, je pense que le département hockey des Sags avait visé dans le mille, là, sont prêts pour les séries éliminatoires. Puis je suis le premier, pas surpris, je dirais, de la façon dont ça se passe présentement. Moi, vous savez tous que j'ai une grande tangente envers les Saguenay de Chicoutimi, mais je crois fermement en les chances de cette équipe-là cette année. Peut-être pas d'aller chercher la Coupe du Président, mais s'y en approcher du moins. Puis là, ben écoute, c'est 1-1 dans la série contre les meilleurs au classement général. La pression d'un côté ou de l'autre, je pense que les deux équipes en ressentent présentement. Il y a personne qui veut... rendu là, en tout cas, les Sags ne veulent plus reculer, veulent passer à l'autre tour. Là, je pense que les Sags apprennent à gagner. On goûtait le sang, puis bon, ils sont présentement là, en mission du côté des Saguenay. Là, la glace olympique, on en parle tout le temps, là, on en parle souvent de la glace olympique, là, mais je demandais à Simon Bourque hier, est-ce que ça peut vous nuire, puis c'est sûr que les Saguenay sont habitués à jouer sur la glace olympique. Il n'a pas voulu le dire ouvertement, là, mais c'est un avantage aux Sags, maintenant, rendu dans la série 1-1, là. Ouais. Peut-être, mais tu sais, ça va dépendre de la tournure des événements. Les Sea Dogs, là, ça représente une équipe tellement bonne. Ouais. Tu sais, tu ouvrirais le PlayStation, puis ça serait probablement 92 de moyenne overall pour cette équipe-là. Ouais. Ils sont dominants à plusieurs positions. Ils sont allés chercher le meilleur gardien disponible. Ils ont le meilleur défenseur disponible. Ils n'ont pas le meilleur attaquant sur la patinoire. Ça, c'est nous qui l'avons. Puis je pense qu'on est mieux coaché du côté des Sags que du côté des Sea Dogs, mais ça reste que c'est une équipe qui est très bonne à peu près à toutes les positions. Peut-être un peu moins de profondeur du côté de la défensive, surprenamment, mais Chabot, il joue 18 des 20 minutes en première période des prolongations, à peu près sans trop exagérer. Même il l'a dit dans les médias ce matin, il a joué presque la totalité des deux périodes de prolongation sur la glace. Il est capable d'en prendre extrêmement en forme. Puis aux quelques partisans des Sénateurs qui t'écoutent ce matin, ils ont dans leur filiale probablement un des grands défenseurs à devenir là, dans les prochaines années dans la Ligue nationale. Il est tellement bon, tellement dominant. Il est rapide, mobile, il a un flair offensif hors pair, puis surtout très responsable défensivement. C'est un défenseur plus que complet. Sur la grande glace, lui, il n'y aura pas de problème. Bourque, il va en avoir un peu plus, puis les autres défenseurs aussi des Sea Dogs. Mais les attaquants, les Joseph, les Villeneuve et tout ça, ça va excessivement rapide, Danny. Je pense pas que ça va être un problème là, du côté des Sea Dogs de s'ajuster à la grande glace. On dirait que c'est plus nous, les journalistes, qui avons des problèmes à s'ajuster ou en tout cas à faire des commentaires par rapport à la grande glace. En tout cas, pour les Sags, ce n'est pas une distraction, ça c'est sûr. Pour les Sea Dogs, on va voir là pour le match de ce soir si jamais il y a un problème de ce côté-là, mais je pense pas que ça va être un facteur là, pour la partie. OK. Je reviens sur les deux matchs de la fin de semaine. Callum Booth, oui, Billy est extraordinaire en prolongation, mais Callum Booth était fort solide. Là. Si ça n'avait pas été de Booth, les Sags, il n'y en avait pas de prolongation. Ça n'avait pas été de Bilia, il n'y en avait pas de prolongation non plus, je te dirais, parce que les deux se sont échangés, les prouesses et les finesses. Écoute, j'ai revisionné encore les bandes hier pour faire un petit montage vidéo, puis écoute, les arrêts de Bilia étaient tout simplement magistrales, mais de l'autre côté aussi, Callum Booth a été définitivement très dominant dans son filet. Et puis, tu sais, Danny, c'est deux gardiens qui viennent de la même organisation dans le budget 3. C'est deux bonhommes qui se connaissent excessivement bien. Puis, Lia est un an plus vieux que Callum Booth. Okay. Dans la même équipe budget 3A. C'est deux bodés, là. Puis, mm-hmm. présentement, ils se font une belle lutte, là, devant le filet. Puis, c'est l'amateur qui est très heureux de ça. Ah ouais. Le directeur aussi. J'ai crié, puis il y a plusieurs fois en première période de prolongation, puis ça permet au sac de rentrer dans la deuxième, puis de profiter de la chance de marquer le Cambourg qui a envoyé la rondelle dans les états okay. en deuxième période de prolongation. Si ça n'aurait pas été des parce que ça vient, on a vraiment tenu le bout, là, à 14-0 d'un tir au but à un moment donné en deuxième période, c'était du deuxième match, c'était extraordinaire, là. Tu sais, il est décidé que c'est... T'as raison de l'amener, Soudani, excuse-moi, c'est peut-être le bout le plus, je dirais, encourageant, puis qui a peut-être semé un doute dans la tête des Dogs de Saint-John. Les Sags ont ouvert la machine à un moment donné dans le match, puis il n'était pas capable de toucher à la rondelle, tout simplement s'approcher du filet de Julio Bedia. Ça a été une belle démonstration du travail puis du système des Sags, qui est très difficile à jouer contre. Puis ça, ben, les Sea Dogs, on leur a passé le message, puis ça, ben, je pense qu'ils l'ont reçu, puis il va falloir qu'ils soient presque parfaits là, maintenant pour passer les 5 minutes. OK. Hier, j'écoutais Michel Tifo, j'écoutais Yannick Jean à l'émission de Michel Tifo, une entrevue que j'ai mis sur le site également. Donc, Yannick Jean me disait qu'il y avait une fatigue mentale, ce qui pouvait expliquer peut-être le match de vendredi. D'accord avec ça? Oui, définitivement. Écoute, même moi, là, tu sais, il y avait beaucoup d'émotions. C'était quelque chose. T'sais, je me couchais à 5h du matin, puis je me suis levé à 7h, puis ça a été quelques nuits courtes par la suite. Ça a été la même chose du côté des joueurs. Le stress, la pression, les voyages même, tout ça, l'inattendu. On était à quelques secondes d'être en vacances puis de faire le bilan cette semaine chez les Sags. Puis finalement, ça a été un revirement de situation assez hollywoodesque, je dirais. Ouais. Donc, c'est facile pour un gars de 36, imagine-toi, pour un gars de 16 à 20 ans, d'un petit peu perdre le nord, avec toutes les émotions par lesquelles ils ont passé. Par la suite, ben là, c'est au groupe d'entraîneurs, puis les psychologues, puis tout le monde autour du département hockey de remettre les joueurs sur terre. Puis je pense que ça a été fait dans les dernières heures. OK. Donc, c'est à 19h30 ce soir, c'est ça? Exactement, 19h30. Puis ceux qui veulent partir avant, il y a un party avant-match dans cette année de Saint-Georges, pour avoir de la musique, puis excellent hot dog, vraiment pas cher, 1$ là, pour attirer les gens. Puis tu sais, on fait ça pour les partisans, pour qu'ils aient du plaisir, qui s'amènent au Saint-Georges Vézina, puis aussi ça facilite un peu l'entrée là, pour ceux qui arrivent sur le tard. Ça reste un amphithéâtre des années 40, le Saint-Georges, là, c'est pas fait vraiment pour un 4500 et plus, peut-être, comme on peut s'attendre à avoir comme foule là, ce soir pour le match, le premier match local de la série Carré d'As là, pour les partisans ce soir face aux Seagulls du Saint-Georges. OK. Court commentaire sur la série L'Armada et Charlottetown. Anthony a prédit que l'Armada allait gagner. Eux aussi ont mission accomplie, là. Ils sont allés gagner, là? Oui. Définitivement, puis surtout de la façon dont ils l'ont fait, perdaient par un ou deux buts là, dans les dernières minutes du match. On a travaillé excessivement fort, puis écoute, ça a été un beau revirement de situation pour l'Armada de Blainville-Boisbriand. Les Islanders et les Sea Dogs étaient tout près de tout gagner. À un moment donné, j'ai vu un tweet passer sur les réseaux sociaux par un journaliste de Radio-Canada là-bas qui disait « Bon, les Ice Caps gang, les Islanders gang, les Sea Dogs gang. » Tout le monde gagne dans les maritimes. Finalement, ça servirait de bord, sauf pour les Ice Caps de St. John's dans la Ligue américaine. Les Sags ont gagné, puis l'Armada a réussi à revirer le match de bord du côté de Charlottetown. Là, la série se transporte du côté de Boisbriand. Puis il va y avoir une situation assez bizarre. Là, on va voyager pas mal, puis les deux équipes vont voyager ensemble pour retourner. Je pense que c'est à Boisbriand, là, après pour le sixième match, qui devrait être présenté à TVA Sports, sixième match il y a dans cette série. Pour sauver des coups, puis c'est une bonne idée, je pense, que les équipes de la Ligue d'Hockey Junior Major du Québec auraient avantage à faire ça pour sauver des coups d'opération. C'est pas très grave, là, d'être les deux. Les joueurs se connaissent tous, puis en dehors de la glace, ils ont assez de respect l'un envers l'autre pour garder les émotions sur la glace et garder les émotions pour eux hors de la glace. Tu sais, puis je suis très content de voir l'Armada revenir ramener ça 1-1, mais ça va être une série qui va être longue, très longue. L'attaque des Islanders, quand ça se met à tirer de tous les côtés, c'est assez difficile, même un gardien comme Montembeau va avoir de toutes les couleurs, va sentir le caoutchouc brûlé là, à la fin des rencontres. Puis surprenamment, ben, dans la victoire de l'Armada samedi soir à Charlottetown, ben, ça a été l'Armada qui a dominé au chapitre des lances. Ouais, donc on se parle cette semaine, Sébastien, on se parle la semaine prochaine? Avec plaisir. Le descripteur des matchs des Saguenay que vous pouvez entendre ce soir à compter de 19h30 au 94.5 Énergie, Sébastien.